Alors Gabriel, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ? Je suis parti à l'étranger. J'ai fait un très beau voyage. Ah oui ? Tu es parti où ? À Montréal. C'était génial. Raconte, qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis beaucoup promené dans la ville et j'ai vu beaucoup de monuments. Et tu as bien mangé ? Ah oui, on peut manger de bonnes choses et pour pas cher. Et tu as visité des musées ? Oui, j'ai adoré les musées. Surtout le musée d'art contemporain. Le guide était super. Il nous a donné des explications très intéressantes. Il n'y avait pas trop de touristes ? Écoute, ça allait. À cette période de l'année, c'est assez tranquille.